بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, et que le salut d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des guidées, c'est la guidée, la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est inventé dans la religion est une innovation, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, nous sommes arrivés au quatrième cours concernant min anwa' al-shirk al-asghar, parmi les types de polythéisme mineur. Et nous avons vu le danger, concernant cela, le fait que parmi les attributs de ceux qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment, eh bien, ce sont ceux qui parfaient le pur monothéisme. Le pur monothéisme, d'accord ? Et donc, qu'il n'annule pas le pur monothéisme tawhid Allah en pratiquant du polythéisme majeur, par exemple en adorant autre qu'Allah, ou en égorgeant un animal pour autre qu'Allah, ou yani, en invoquant autre qu'Allah, ou en craignant une chose comme on craint Allah, ou en aimant une chose comme on aime Allah, yani, tout ce qui se rapporte à cela. Ça fait partie du polythéisme majeur qui annule l'islam. La personne n'est plus musulmane. Deuxième point, Allah yanqus kamaluhu bi shirkin asghar. Que le pur monothéisme, donc la perfection, n'est pas diminuée par le fait que la personne va pratiquer du polythéisme mineur. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et le troisième point, wa alla yanqus kamal al-wajib bid'atin aw sari'a aw kabira aw israran 'ala sagira. Et que l'individu ne fait pas, qui ne diminue pas la perfection de ce qui est obligatoire en faisant des innovations dans la religion d'Allah, ou en faisant des péchés majeurs, ou en faisant continuellement des petits péchés. Donc celui qui parfait ces trois points-là, hein, entre paradis sans jugement ni châtiment, comme cela a été rapporté dans les hadiths authentiques. Mais cher al-Asghar, donc nous avons vu, hein, depuis le début, alhamdoulilah, que parmi cela, il y a le fait de jurer par autre qu'Allah, le fait de placer sa confiance en autre qu'Allah. Placer sa confiance en autre qu'Allah est strictement interdit dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Strictement interdit. Comme nous avons vu, que j'avais expliqué la semaine passée, il est permis de mandater quelqu'un, dans la sunna, on fait les causes, on mandate quelqu'un pour faire telle ou telle chose. Mais la confiance, on la place en Allah. On ne dit pas on compte sur lui ou Allah, on place sa confiance en lui. Non, on la place en Allah Azza wa Jal. Donc ça, ce sont les termes qu'il faut qu'on éradique de notre bouche. On ne dit pas je compte sur toi, voilà, j'ai confiance en toi. D'accord ? Et j'avais rapporté la semaine dernière la réponse de Cheikh Farkous, un savant donc d'Algérie, qui avait répondu à cette question-là, notamment, est-il permis de dire « j'ai confiance en toi » ou « je place ma confiance en toi » et tout ce qui est similaire dans cela, c'est-à-dire « je compte sur toi » ou ça. On a le droit d'envoyer quelqu'un, de mandater quelqu'un, mais il est interdit de dire « je compte sur toi » là, je... Non, c'est en Allah Azza wa Jal qu'on compte. Parce que la personne ne pourra faire cette chose-là que si Allah Azza wa Jal le veut. « Wa ma tasha'una illa an yasha'Allahu Rabbul Alamin » et vous ne voudrez que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Nous avons vu donc le polythéisme mineur, donc qui n'exclut pas de l'islam, mais qui corrompt le pur monothéisme, dans le fait de jurer pour autre qu'Allah, dans le fait, fil mashi'a, c'est-à-dire dans le fait de vouloir, il est interdit de dire ce qu'Allah veut et ce que tu veux, mais il est permis de dire ce qu'Allah veut, puis ce que tu veux. Vous voyez, rien que dans les termes, il est important de faire attention à ce qu'on utilise. Et La confiance en la place qu'en Allah Azzawajal, ça c'était dans la prononciation. Le type de polythéisme que nous avons vu aussi, nous avons aussi vu succinctement les conditions d'acceptation des œuvres en islam, que ça doit être sincère pour Allah Azzawajal et selon l'authentique de la sunnah. Et nous avons vu également les définitions de l'ostentation riyah. Talab al-manzilat fi qulub an-nas bi-ira'ihim. Rechercher l'ostentation, c'est le fait, en fait, la personne recherche une position dans le cœur de la personne. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est pas Allah Azzawajal. Lorsqu'elle fait une œuvre légiférée, elle fait une prière, elle recherche une position dans le cœur des gens, pour que les gens disent d'elle. Oui. Donc elle veut être vue par cela. Riya, ça fait partie de Roya, comme on avait dit. Et l'autre type qui est As-Sum'a, le fait qu'on veut que les gens... Yani, entendre de nous que l'on fait telle bonne action. L'intention de la personne, c'est cela. Yani, celle-ci annule l'œuvre. Toutes les œuvres dont la personne associe quoi que ce soit avec Allah, ça l'annule. Parce que, parmi les conditions, ça doit être sincère envers Allah Azza wa Jal et selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Min al-shirk fi al-niyyat, donc nous sommes arrivés au point dans le polythéisme, dans les intentions. Ou al-maqasid, dans le but qui est recherché par l'œuvre pieuse que la personne fait. Min al-shirk fi al-niyyat ou al-maqasid, iradat al-insan bi'amalihi dunya. Là maintenant, ce point-là, c'est lorsque la personne fait un acte pieux, mais par cet acte pieux-là qu'elle fait, un acte qui est légiféré, elle le fait. Mais en fait, elle recherche par cela, en le faisant, un bien de cette vie d'ici-bas. D'accord ? Un bien de cette vie d'ici-bas. حذر الله منه في كتابه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أن يريد الإنسان بالعمل الذي يبتغى به وجه الله يريد الإنسان طمعا من مطامع الدنيا. Allah le Très-Haut a mis en garde contre cela dans son livre et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre cela dans sa sunna. C'est le fait que l'individu fait un acte d'adoration par lequel il est normalement, l'acte d'adoration qu'il est fait, il recherche normalement la face d'Allah Azza wa Jal, mais cet individu le fait par avarice pour un bien de cette vie d'ici-bas. وَهَذَا شِرْكٌ مُنَافِي كَمَالِ التَّوْحِيدِ وَيُحْبِتُ الْعَمَلِ. Et ceci est du polythéisme qui empêche la perfection du pur monothéisme et cela invalide l'acte d'adoration. قال تعالى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens des versets 15 et 16 de Sourate Hud, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure. Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera nul et sera vain. Ce qu'ils auront œuvré. Donc ce qu'ils auront fait ici-bas sera nul et sera vain ce qu'ils auront œuvré. الله تبارك وتعالى يخبر في الآيتين الكريمتين أن من قصد بعمله الحصول على مطامع الدنيا فقط فإن الله يوفر ثواب عمله في الدنيا بالصحة والمال والولد وإلى غير ذلك وهذا مقيد أيضا بالمشيئة كما في قوله تعالى في الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Allah le Très-Haut informe dans les deux versets que j'ai mentionné de sourate Hud que celui dont le but de son acte d'adoration pour Allah Azza wa Jal, pour Allah le Très-Haut, est d'obtenir uniquement. Lui, il le fait, il fait un acte d'adoration, mais il le fait uniquement, son intention le fait uniquement pour un bien quelconque de cette vie d'ici-bas. Allah le Très-Haut le rétribuera de par cet acte d'adoration, en lui donnant des biens dans cette vie d'ici-bas. Lui privant ainsi du bien dans l'au-delà, du fait que cet acte d'adoration ne sera pas rétribué dans l'au-delà. D'accord ? Pour être bien clair, Inch'Allah. Il fait un acte d'adoration. Légiférer. Lorsqu'il le fait, lui, son but, son intention, c'est quoi ? C'est qu'en faisant, on va donner des exemples, Inch'Allah, pour bien être clair, lui, il le fait, en fait, pour recevoir un bien de cette dunya. Il ne le fait pas, comme on dit, « fi sabilillah », hein ? Pour Allah Azza wa Jal. Non, il fait en fait un acte pieux, mais il recherche par cela en fait un bien de cette dunya-là. D'accord ? Et bien celui-là, Allah Azza wa Jal peut lui donner yani, des biens dans cette vie d'ici-bas, mais il le privera dans l'au-delà. Car cette œuvre n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. La personne est rétribuée dans l'au-delà de par les actes qu'elle a fait pour Allah Azza wa Jal, sincèrement. Et selon la voie prophétique. Mais si par exemple il fait cet acte pieux là, ne recherchant pas Allah Azza wa Jal, donc déjà il n'a pas complété la condition d'acceptation des œuvres. C'est pas sincère pour Allah. C'est fait pour un bien ici-bas. Donc c'est pas accepté. Il n'aura rien dans l'au-delà. Mais Allah Azza wa Jal peut lui donner hein, des biens dans cette vie d'ici-bas, tels que l'argent, le fait d'avoir des enfants, etc. Et ceci concerne également le fait de désirer une chose ici-bas de par un acte d'adoration sans vouloir par cela Allah Azza wa Jal. Telle que la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 18 de Sourate Al-Isra, quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Fahuwa ala khatar. Donc l'individu, dans son but, de par son acte d'adoration et le fait de désirer un quelconque bien de cette vie d'ici-bas, celui-ci est dans le danger de même rien recevoir dans cette vie d'ici-bas. Par le fait qu'Allah Azza wa Jal, dans l'autre verset de Sourate Al-Isra que j'ai mentionné, Allah Azza wa Jal dit bien, quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, pas ce qu'il veut, ce que nous voulons. Le « nous », comme je dis, lorsque vous lisez « nous » dans le Coran, c'est un « nous » de majesté. C'est pas un « nous » de pluriel, c'est un « nous » de majesté. D'accord ? Ce que nous voulons, à qui nous voulons, d'accord ? Et non à qui le veut. Donc même si de par un acte d'adoration, le but de l'individu est d'obtenir un quelconque bien de cette vie d'ici-bas, il se peut qu'Allah lui donne dans cette vie d'ici-bas, en n'ayant rien dans le « delà » concernant cette œuvre. Tout comme il se peut qu'Allah ne lui donne rien dans cette vie d'ici-bas. Car cela est lié à la volonté d'Allah, Azza wa Jal, et non à la volonté de l'individu. Ceux-là donc n'auront que l'enfer, d'après la parole d'Allah Azza wa Jal, car ils n'ont pas œuvré afin d'être écartés de l'enfer. Eux, leur but, lorsqu'ils ont fait cet acte-là, ils n'ont pas œuvré pour, yani sincère pour Allah, et craignant le châtiment d'Allah, et souhaitant la récompense d'Allah. Non, ils ont œuvré pour ce bien-là. Donc, ils n'ont pas œuvré pour, par crainte de tomber en enfer. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal les a menacés, donc ils n'auront que l'enfer. لأنهم لم يريدوا الآخرة كما أخبر الله رب العالمين. Car de par leurs œuvres, leur but n'était pas l'au-delà, mais l'ici-bas, tel qu'Allah nous a informé. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Cela n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera nul et sera vain ce qu'ils auront œuvré. من كان في الدنيا هم ونيته جزاه الله بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا. Donc celui dont la préoccupation et son intention n'est que la vie d'ici-bas, Allah le récompensera dans cette vie d'ici-bas de par ses bonnes actions. ثم في الآخرة ليس له حسنة يعطى بها جزاء. Puis dans l'au-delà, il se retrouve sans bonne action pour être rétribué, parce qu'il n'a pas fait dans le but d'avoir. وأما المؤمن, mais le croyant, فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. Tandis que le croyant est rétribué de par ses bonnes œuvres, de par ses bonnes actions, dans la vie d'ici-bas, et en plus il sera récompensé dans l'au-delà. ذكر الشيخ محمد التميمي رحمه الله في الآية السابقة ما قاله السلف من أهل العلم وذلك أنواع. Donc le Cheikh Mohammed al-Tamimi, rahimahullah, a rappelé dans le verset précédent ce que les pieux prédécesseurs, parmi les gens de science, ont dit qu'il y avait différentes catégories. Il y avait différentes catégories. D'accord ? Nous allons en voir quatre, inshallah. Al-Naw'u al-Awwal, première catégorie. Al-Amal al-Salih al-Ladhi yaf'aluhu kathirun min al-Nas, ibtira wajhillah. من صدقة وصلاة وسيلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك وكذلك كترك ظلم أو ترك كلام عبسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجاز به بحفظ ماله وتنيته وحفظ أهله وأعياله ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. هذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. Donc le premier, la première catégorie dont a mentionné Ibn Abbas رضي الله عنهما, ce sont les bonnes œuvres que font beaucoup de personnes en le faisant sincèrement. Ils font ces bonnes œuvres là sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Hein? Ils le font sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Tel que donner de l'aumône, ou la prière, ou conserver les liens de parenté, être bon avec les gens, délaisser les injustices, délaisser le fait de parler sur l'honneur des gens, de ce que l'individu fait ou délaisse, sincèrement pour Allah. Il fait tout ça ou il délaisse cela, sincèrement, et il délaisse les mauvaises choses ou fait les bonnes choses, sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Mais cet individu, le faisant sincèrement pour Allah Azza wa Jal, fait toutes ses bonnes œuvres, cependant, il ne veut pas qu'il soit récompensé dans l'au-delà. Lui, en faisant ça, il ne recherche pas l'au-delà. Mais il souhaite, de par ses bonnes œuvres, hein, que soit préservé son argent, qu'il soit en sécurité, que sa famille soit préservée, que ses enfants soient préservés. Hein. Et il fait tout cela en espérant que il aura de l'argent qui augmente, qu'il soit en sécurité et qu'il soit bien. Il ne recherche pas le paradis ni la peur d'être jeté en enfer. Donc ce genre d'individu sera récompensé ici-bas et n'aura rien dans l'au-delà, comme Ibn Abbas radiallahu anhu a expliqué. An-naw' al-thani, la deuxième catégorie. Wa akbaru min al-awwal wa akhwaf. La deuxième catégorie est pire que la première. وهو الذي ذكره مجاهد في الآية وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. Donc la deuxième catégorie, c'est ce que Mujahid a mentionné concernant le verset. Cela consiste au fait que l'individu fait de bonnes œuvres en ayant pour intention, c'est quoi? C'est l'ostentation, le fait de le faire pour de façon ostentatoire pour les gens. Il ne recherche en rien la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il ne recherche en rien la récompense d'Allah Azza wa Jal. فَيُرَاءِ بِذَلِكَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ النَّاسِ وَلَا يُرِيدُ الْآخِرَةِ. Donc, il fait une bonne action, d'accord, une bonne œuvre, mais pour que les gens disent de lui. Il ne recherche pas donc l'akhira. Ça, c'est la deuxième catégorie. Première catégorie, il le fait sincère pour Allah. Sincère pour Allah, il fait toutes les bonnes actions, délaisse les mauvaises actions. Mais lui, il souhaite que son argent soit préservé, que sa famille soit préservée, que ses enfants soient préservés, qu'il ait plus d'argent, qu'il soit en sécurité, qu'il soit bien. Il fait tout cela pour son but, c'est ça. D'accord ? Deuxième catégorie, il fait toutes ces bonnes actions-là, mais pour que les gens disent de lui. De façon ostentatoire. D'accord ? Ça, c'est la deuxième catégorie. النوع الثالث, troisième catégorie, أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله أو يهاجر للدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم قد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية كما يتعلم الرجل العلم لأجل مدرسات أهله ومناظرة الناس أو من أجل المكسب أو يتعلم القرآن لأجل وظيفة في المسجد كما هو واقع كثير من الناس فتكون وظيفة يحرص على ذلك وظيفة وإلا قطع راتبه فإذا فعل ذلك لذلك ولم يبتغي وجه الله تبارك وتعالى فقد دخل في هذه الآية. Donc ça c'est le troisième catégorie concerne l'individu qui fait des bonnes actions. Mais par cela son but c'est quoi? C'est de recevoir de l'argent par la bonne action qu'il fait. Tel que celui qui fait le hajj pour de l'argent qu'on lui donne. Hein? Si tu fais le hajj, on te donne de l'argent. Il reçoit de l'argent, il va aller faire le hajj pour cela. Il ne fait pas le hajj pour Allah. Il fait l'argent pour recevoir cet argent. Il fait le hajj pour recevoir cet argent. Ou fait la hijra, il quitte les pays musulmans pour les pays, pardon, non musulmans pour les pays musulmans, pour en fait un bien de la vie d'ici-bas, ou pour une femme qui va, avec qui il va se marier. Ou celui qui fait le jihad, la lutte dans le sentier d'Allah, légiférer bien sûr, c'est pas la fitna d'aujourd'hui, pour un butin ou une renommée, que les gens disent de lui. Ah. Ou bien pour un bien qui est une richesse qu'il va avoir. D'accord ? Ou celui qui apprend la science afin d'enseigner et de débattre avec les gens pour recevoir de l'argent de par cela. Ou celui qui apprend le Coran pour avoir un salaire dans la mosquée, afin de diriger la prière et autres. Donc tout cela, l'individu le fait dans le but de recevoir un quelconque salaire ou être payé de par ses bonnes actions. D'accord ? Cela devient donc un travail. Cela devient donc un travail. Et que s'il ne remplit pas sa tâche, son salaire ou sa paye risque de lui être retiré. Donc, si l'individu fait tout cela pour un bien ici-bas, tout en ne le faisant pas pour Allah Azza wa Jal seul, alors le verset cité le concerne. Alors, le verset cité le concerne. Cela n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera nul et sera vain ce qu'ils auront œuvré. La traduction du sens du verset. النوع الرابع أن يعمل الإنسان من طاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج من الإسلام يأتي بعمل مكفر ويعمل الأعمال الصالحات في وقت نفسه يعني يبتغي به وجه الله ولكن يكفر بسبب آخر هؤلاء لا يقبل منهم شيئا لأن أعمالهم التي خرجوا بها من الإسلام تمنع قبول أعمالهم التي يريدون بها وجه الله. Donc, la quatrième catégorie, c'est l'individu qui fait un acte d'adoration sincère pour Allah Azza wa Jal. D'accord ? Sincère pour Allah Azza wa Jal. En obéissant à Allah Azza wa Jal. Cependant, en même temps, pendant qu'il fait cette œuvre-là, il fait en fait, ou il dit quelque chose, un acte qui est de la mécréance, qui exclut de l'islam. D'accord ? il continue à faire des bonnes actions, sincères pour Allah, mais il a fait ou il a dit quelque chose qui a annulé son islam. Donc cet individu-là, aucune de ses bonnes actions ne sera acceptée. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, Inna din 'inda Allah al-Islam, la religion d'Allah, c'est l'islam. Et dans l'autre verset, وَمَنْ يَبْتِغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْأَخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui désire une autre religion que l'islam ne sera pas accepté de lui. Donc s'il sort de l'islam de par un acte qu'il a fait de mécréance majeure, et il continue à faire des bonnes actions sincères pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas accepté de lui. Mais il se doit de se repentir avec les conditions de la repentance. D'accord ? Et renouveler son islam. الآيات تتناولان هذه الأنواع الأربعة. Donc ces deux versets qu'on a vus englobent ces quatre catégories. C'est comme l'akhir. Inch'Allah, on continue la semaine prochaine. Inch'Allah, à partir de dimanche prochain, on va le déplacer. On fera plus après l'Asr. Pour le moment, hein, on va faire entre le Maghrib et l'Isha. Ça permettrait de rester pour la salade du Isha et puis avoir le Ajr de celui qui prie la prière du Isha en groupe et il prie la prière du Fajr en groupe est équivalent à celui qui a fait des prières nocturnes. D'accord ? Donc, Inch'Allah, pour ce bien-là, Inch'Allah, bi'idhnillah, et ça facilitera, Inch'Allah, parce que parfois, il y en a, ils peuvent prier le Maghrib et puis après, ils deviennent paresseux pour revenir pour prier l'Isha. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, à partir de dimanche prochain, on fait après la salade du Maghrib. D'accord ? Après le dimanche, Inch'Allah, sur ce sujet important. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا